Je vois dans mon salon un immense monstre qui danse. Non, mon père qui s'affole et me prend pour un con. J'entends sa voix qui résonne partout dans la maison. Moi je plane et retombe en enfance. Non, maman j'hallucine, je vois les morts. C'est l'heure du bal, regarde-les qui dansent devant moi. Du bout de mes doigts, je guide leurs pas. J'hallucine, je vois les morts. Et je me plais si bien dans ce décor que j'oublierai demain. Non, mercredi, je crois aux fantômes, aux fées aussi. Si j'ai de la chance, je verrai les morts danser la nuit. Non, mercredi, je crois aux fantômes, aux fées aussi. Si j'ai de la chance, je verrai les morts danser la nuit. Qui m'enchante. Non, tu me fais la leçon. Tu sais bien qui a tort et surtout qui a raison. Tu ne crois qu'en la sainte évidence. Mercredi, je crois aux fantômes, aux fées aussi. Si j'ai la chance, je verrai les morts danser la nuit. Je verrai les morts danser la nuit. Maman, j'hallucine, je vois les morts. C'est l'heure du bal, regarde-les qui dansent devant moi. Du bout de mes doigts, je guide leurs pas. Non, maman, j'hallucine, je vois les morts. Et je me plais si bien dans ce décor que j'oublierai demain. Mercredi, je crois aux fantômes, aux fées aussi. Si j'ai de la chance, je verrai les morts danser la nuit.